Chapitre 20. Renard. La deuxième épreuve d'Ophélie en tant que valet venait de commencer. Qu'était-elle censée faire des mâles? Bérénilde était partie danser sans lui donner la moindre directive. La grand-mère et la tante Roseline s'étaient perdues dans la foule. Ophélie se retrouvait seule sous les étoiles, entre deux saules pleureurs, encombrée de son chariot à bagages. Archibald avait parlé d'installer Bérénilde dans ses propres appartements, mais Ophélie n'allait tout de même pas entrer dans le château comme chez elle. Et puis, où se trouvaient-ils ces appartements? L'inconvénient quand on est muet, c'est qu'on ne peut poser aucune question. Elle jeta des regards hésitants aux domestiques qui servaient des rafraîchissements dans les jardins, espérant qu'ils comprendraient son embarras, mais ils se détournaient tous d'elle d'un air indifférent. Hé, toi ! Un valet, qui portait exactement le même uniforme qu'Ophélie, se dirigeait vers elle au pas de charge. Il était bâti comme un buffet à vaisselle et possédait des cheveux si roux qu'il semblait avoir pris feu sur sa tête. Ophélie le trouva très impressionnant. « Ben alors, on lambine. Dès que les maîtres ont le dos tourné, on se débrouille pour bailler aux corneilles. » Lorsqu'il leva une main grande comme un battoir, Ophélie crut qu'il allait la frapper à toute volée. Au lieu de cela, il lui tapota le dos d'un geste au bon enfant. « On va s'entendre dans ce cas. Je m'appelle Renard, et je suis le roi des tirs au flanc. T'es jamais venu ici encore, hein? T'avais l'air si perdu dans ton coin que tu me faisais de la peine. Suis-moi, fiston. » Le valet empoigna le chariot à bagages et le poussa devant lui comme s'il s'agissait d'un landau de bébé. « En fait, mon vrai nom, c'est Reynold !» enchaîna-t-il d'un ton plein d'entrain. « Mais tout le monde m'appelle Renard. Je suis au service de la grand-mère de monsieur, et toi, petit Vénard, t'es le larbin de madame Bérénilde. Je vendrai mes tripes pour approcher une telle femme. » Il embrassa avec passion le bout de ses doigts et retroussa dans un sourire gourmand ses lèvres sur des canines très blanches. Tout en remontant l'allée avec lui, Ophélie le dévorait des yeux subjugués. Ce renard lui faisait penser à une flambée de cheminée. Il devait avoisiner la quarantaine, mais son énergie était celle d'un vrai jeune homme. Il baissa sur Ophélie des yeux étonnés aussi verts que des émeraudes. « Pas fort causant, dis donc. C'est moi qui te fais de l'effet ou t'es toujours aussi timide ?» Ophélie dessina du pouce une croix sur sa bouche, l'air impuissant. « Un muet !» ricana Renard. « Maligne, la Bérénilde, et c'est s'entourer de gens discrets. T'es pas sourd aussi, j'espère. Tu comprends ce que je te cause. » Ophélie fit oui de la tête. Il avait un accent à couper au couteau, mais tout de même moins prononcé que celui de pistache. Renard manœuvra le chariot à bagages sur un petit chemin pavé, encadré par deux rangées de haies parfaitement taillées, de façon à contourner le château et les jardins. Ils franchirent un porche de pierre qui donnait sur une vaste arrière-cour. Il n'y avait pas de lampadaire ici, mais les fenêtres allumées du rez-de-chaussée découpaient des rectangles d'or dans la nuit. Elles étaient couvertes de vapeur, comme si une chaleur infernale régnait à l'intérieur. Des tuyaux de poêle recrachaient d'abondantes fumées le long du mur. « Les cuisines !» commenta Renard. « Leçon numéro un, mon gars. Ne mets jamais le nez dans les cuisines du clair de lune. Ce qui se trame là-dedans, c'est pas pour les petits bonshommes comme toi. » Ophélie le crut sur parole, alors qu'il passait devant les fenêtres embuées, des cris et des insultes leur parvinrent en même temps que les odeurs de poissons grillés. Elle risqua un coup d'œil par un carreau là où la vapeur ne s'était pas collée et aperçut un balai étourdissant de soupières en argent, de corbeilles à pain, de pâtisseries à étages et d'espadons étendus sur des plateaux immenses. « Par ici !» l'appela Renard. Il engageait le chariot à bagages dans le passage d'une porte de service un peu plus loin. Quand Ophélie le rejoignit, elle découvrit un vieux vestibule glacial et mal éclairé. Pas de doute, elle était dans le quartier des domestiques. Les vapeurs des cuisines s'échappaient d'une porte à double battant sur la droite, répandant dans tout le vestibule une brume épicée. Des commis poussaient les panneaux à tout bout de champ, emportant des plateaux fumants ou ramenant des chariots de vaisselle à laver. « Je t'attends ici avec le chariot !» dit Renard. « Tu dois t'enregistrer auprès de papier-mâché pour avoir ta clé. » Il pointa du pouce une porte vitrée à gauche, surmontée de la plaque « Régisseur ». Ophélie hésitait. De quelle clé pouvait-elle bien avoir besoin? Bérénilde l'avait chargée de surveiller les mâles. L'idée de les confier à cet inconnu ne lui inspirait rien de bon. « Allez, grouille-toi de prendre ta clé !» la pressa Renard. Ophélie frappa à la porte et entra. Elle ne vit pas tout de suite l'homme qui se tenait assis derrière le secrétaire, la plume à la main. Son costume sombre, son teint grisâtre, sa parfaite immobilité le rendaient presque invisible sur le fond lambrissé du mur. « Vous êtes ?» demanda le régisseur d'un ton pincé. Sa peau était plus fripée que celle d'un vieillard. Papier-mâché, le surnom lui allait comme un gant. « Vous êtes ?» insista-t-il. Ophélie fouilla ses poches à la recherche de la lettre de recommandation que Bérénilde avait écrite spécialement pour Mime. Elle la remit au régisseur, qui enfila un monocle et la parcourut d'un regard morne. Sans cérémonie, il sortit un registre de son secrétaire, mouilla sa plume dans un encrier, griffonna quelques mots et le tendit à Ophélie. Signé. Il lui désigna de l'index sous une longue liste de noms, de dates et de signatures un nouvel intitulé « Mime, service de dame Bérénilde ». Ophélie improvisa un paraphe maladroit. Le régisseur se leva, contourna son secrétaire et se dirigea vers des casiers classés ainsi. Maître d'hôtel, maître queue, marmiton, femme de charge, femme de chambre, nourrice, lingère, palefrenier, chauffeur mécanicien, jardinier, basse courrier. Il ouvrit le casier valet et en sortit une petite clé au hasard qu'il remit à Ophélie. Sur l'étiquette, elle vit un sceau de ce qu'elle supposa être les armoiries du clair de lune. Au verso, une simple adresse, 6 rue des Bains. « Votre chambre, » dit le régisseur. « Vous êtes prié de la laisser en l'état, de ne pas y recevoir de femmes et surtout de ne pas y manger, nous venons de dératiser le coin. Gardez toujours cette clé sur vous, elle est la preuve de votre appartenance provisoire au clair de lune. Nous effectuons régulièrement des contrôles d'identité pour assurer la sécurité des hôtes de monsieur. Vous devez présenter cette clé à chaque fois sous peine d'être jeté aux oubliettes le cas échéant. Bienvenue au clair de lune, » conclut-il sur le même ton monocorde. Ophélie quitta le bureau du régisseur un peu perplexe. À son soulagement, Renard l'attendait toujours devant le chariot à bagages. Elle fut moins rassurée toutefois quand elle s'aperçut qu'il était en train de se quereller avec une cuisinière luisante de sueur. « Traîne savate, gâte sauce, vieux renard empâté, que du muscle, je t'y fais goûter quand tu veux, l'empoisonneuse !» Ophélie posa une main sur le bras de Renard pour l'inciter au calme. Elle n'avait aucune envie de voir son seul guide se battre contre une femme. « Roule tes mécaniques, va !» ironisa la cuisinière. « Y a qu'à tes petits mignons que t'en imposes !» Elle poussa théâtralement la porte à double battant et disparut dans les fumées des casseroles. Ophélie se sentait gênée d'avoir assisté à cet échange, mais Renard la prit au dépourvu en explosant de rire. « Allonge pas cette tête, gamin, c'est une vieille amie. On se chatouille toujours un peu. » Ophélie comprit soudain pourquoi cet homme éveillait en elle un étrange sentiment de familiarité. Il lui rappelait son grand-oncle, en plus jeune. Elle ne devait surtout pas faire de tels amalgames. Si le majordome en chef du clair de lune était corrompu, pourquoi ce valet serait-il davantage digne de confiance ? « Tu as ta clé ?» demanda Renard. Mal à l'aise, Ophélie hocha doucement la tête. « Parfait. On fait notre livraison et ensuite je te cause. » Renard poussa le chariot à bagages à l'intérieur d'un spacieux monte-charge de fer forgé, puis il actionna un levier. Il ne bloqua le frein que lorsque le monte-charge arriva au dernier étage du château. Ils traversèrent une salle de service réservée aux bonnes, puis un très long corridor qui desservait une dizaine de portes. Sur chacune d'elles, une plaque d'or, douce, gaieté, friande, mélodie, clairmonde, grâce, patience. « Ici ?» chuchota Renard en désignant la plaque Clotilde. « Ce sont les appartements de ma maîtresse, la grand-mère de monsieur. Elle fait la sieste, alors pas de bruit. Je ne tiens pas à reprendre mon service trop tôt. » Ophélie sourcilla. Il allait bientôt être minuit. C'était une drôle d'heure pour une sieste. Archibald l'avait prévenu, le jour et la nuit n'avaient aucun sens à la cour du pôle. Elle remarqua une somptueuse cage d'ascenseur au beau milieu du couloir. Celui-là devait être réservé à la famille. Elle aperçut plus loin une porte dont la plaque avait été couverte d'un foulard noir. Suivant son regard, Renard se pencha à son oreille. « La chambre conjugale, de feu monsieur et feu madame, les parents des jeunes maîtres. Ils sont morts il y a des années, mais elle n'a jamais été effacée. » Effacer une chambre ? Ophélie eut beau questionner Renard des yeux, il ne s'expliqua pas. Il fit rouler le chariot à bagages jusqu'à une porte au fond du corridor, frappée de lettres formant le nom « Archibald ». Ophélie entra à sa suite dans une antichambre qui faisait à elle seule deux fois la taille du salon de Bérénilde au manoir. Une immense cheminée en marbre rose, des fenêtres hautes jusqu'au plafond, des portraits en pied, des bibliothèques sur chaque mur, deux lustres en cristal, des meubles sculptés comme des œuvres d'art. Cette famille avait vraiment la folie des grandeurs. Un phonographe, que quelqu'un devait sans doute continuellement remonter, diffusait le son nasillard d'un opéra. Ophélie tomba avec un petit choc sur son propre reflet dans une grande glace murale. Un visage lunaire perché sur un corps plat comme la main. Même sous les traits d'un homme, elle n'avait pas fière allure. Cheveux noirs, face blanche, livrée noire, chausses blanches, elle ressemblait à une vieille photographie. « La chambre de monsieur l'ambassadeur !» commenta Renard en désignant une porte close. « Pour ton service à toi, ce sera toujours par ici. » Il ouvrit une porte bleu ciel à l'autre bout de l'antichambre qui donnait sur un exquis salon de dame. C'était une pièce grande et claire, sans surcharge décorative. Bouche de calorifère, baignoire sur pied, téléphone mural, il y avait là toutes les commodités pour veiller au confort de Bérénilde. Archibald ne s'était pas moqué de son invitée, elle serait logée comme une reine. En revanche, Ophélie fut choquée de ne voir aucune fenêtre. « C'était à l'origine une simple garde-robe, » dit Renard en empoignant une malle. « Mais monsieur l'a fait agrandir pour la circonstance. » Ophélie prit note pour elle-même. Au clair de lune, on effaçait des pièces et on en créait de nouvelles sur commande. Elle aida Renard à décharger le chariot à bagages, les malles de robe, les coffres à chaussures, les écrins à bijoux. « T'es pour un gros débrouillard, dis donc !» ricana Renard alors qu'Ophélie renversait une pile de boîtes pour la seconde fois. Ils déposèrent toutes les affaires dans la chambre, à côté du paravent. Ophélie ne saisissait pas encore toutes les subtilités de la domesticité, mais elle savait qu'en tant que valet, elle n'avait pas le droit de toucher aux toilettes de sa maîtresse. Ce serait le rôle des bonnes de les ranger dans les placards. « Fais-moi voir ta clé de plus près, » demanda Renard quand ils eurent fini. « On va régler l'horlogerie de ta maîtresse sur la tienne. » Ophélie s'habituait à ne rien comprendre. Elle lui remit sa clé sans rechigner. « La rue des Bains, » dit-il en lisant l'étiquette. « Pauvre gamin, papier mâché t'a flanqué juste à côté des latrines. Tout le monde s'arrange pour ne pas finir là-bas. » Renard se dirigea vers la belle horloge de cheminée. En s'approchant à son tour, Ophélie vit qu'elle affichait des mots à la place de l'heure. Zigzag, monte à peine, ricochet, grand angle. Renard fit pivoter la longue aiguille jusqu'à bain. Un second cadran, plus petit, comportait une série de chiffres. Il fixa l'aiguille sur 6. Voilà. Maintenant, comme je suis un brave gars, je vais te montrer ta chambre. Ophélie commençait à soupçonner ce grand rouquin de ne pas l'aider pour la seule beauté du geste. Il attendait quelque chose en retour, ça se sentait dans ses sourires. Elle n'avait rien à lui donner. Comment le lui faire comprendre? Ils prirent le corridor en sens inverse et redescendirent par le monte-charge, cette fois jusqu'au sous-sol du château. Renard passa d'abord à la blanchisserie et remit à Ophélie un lot de draps pour sa chambre. Il en profita pour récupérer une chemise et des bas de choses propres. Ils traversèrent ensuite une buanderie collective, des entrepôts, une salle des coffres et une immense office. Ophélie se perdit tout à fait quand ils pénétrèrent dans les dortoirs. Une suite interminable de numéros se déroulait le long de couloirs tortueux qui portaient tous des noms de rue. Les portes s'ouvraient et se refermaient sur des domestiques, les uns fourbus après le service, les autres à peine sortis de la sieste, comme si c'était à la fois le matin et le soir. Ils semblaient tous très irritables, à s'énerver pour une porte claquée, un salut trop guindé ou un regard de travers. Des sons de cloche provenaient d'un peu partout. Étourdie par le brouhaha environnant, encombré de ses draps, Ophélie avait du mal à entendre Renard qui marchait à longues enjambées devant elle. « Les dortoirs sont divisés en quartiers, » expliquait-il. « Les cuisiniers avec les cuisiniers, les jardiniers avec les jardiniers, les bonnes avec les bonnes, les valets avec les valets. « Attends pas, garçon !» s'exclama-t-il brusquement en consultant sa montre de poche. « Les festivités vont bientôt commencer là-haut. Ma maîtresse ne voudra les manquer pour rien au monde. » Alors qu'il refermait le couvercle d'un coup de pouce pressé, Ophélie revit soudain Thorne, sa montre à gousset à la main trop grand pour sa chaise. Cela remontait à quelques heures à peine et cela lui semblait déjà des jours. Pourquoi y pensait-elle, tout à coup? Ophélie fut tirée de ses pensées par le regard brutal qu'une femme posa sur elle au détour d'un couloir. Un demi-regard, plutôt. Un monocle noir lui éclipsait l'œil gauche. Elle examinait Ophélie de haut en bas, sans un mot, sans un sourire, avec une telle insistance que c'en était embarrassant. Renard s'inclina profondément devant elle. « Salutations, ma belle. Où as-tu encore été fourré tes petites mains ?» Ophélie se posait la même question. La femme était couverte de suie de la tête aux pieds. Elle portait un uniforme de mécanicien. Ses boucles, sombres comme la nuit, coupées très court, crachaient des mèches agressives sur ses joues. « Je viens du calorifère qui fait encore des siennes !» répondit-elle d'une voix maussade. « Et ça, c'est qui ?» Elle avait désigné Ophélie d'un œil dur au bleu électrique. Ce bout de femme n'était pas beaucoup plus âgée qu'elle, mais elle dégageait un charisme étonnant. « Le valet de Madame Bérénilde !» s'esclaffa Renard. « Je ne connais même pas son nom. Il ne cause guère. »« Il a l'air intéressant. »« Allez, te moque pas. C'est la première fois que le petit vient par ici. Je lui montre les ficelles. » « Gracieusement, bien sûr !» ironisa la femme. « Fiston !» dit Renard en se tournant vers Ophélie. « Cette charmante brunette, c'est Gaëlle, notre mécanicienne. Le chauffage, la plomberie, toutes les tuyauteries, c'est elle. « Je ne suis pas votre mécanicienne !» grommela Gaëlle. « Je suis au service de la mère Hildegarde. » « Et comme la mère Hildegarde est l'architecte du clair de lune, » reprit-il d'un ton doucereux, « c'est du pareil au même. » La mécanicienne ignora le mouchoir que Renard était en train de lui offrir. Elle reprit sa route d'un pas nonchalant et bouscula au passage Ophélie dont la pile de draps tomba par terre. Renard rangea son mouchoir, l'air contrarié. « Tu lui as tapé dans l'œil, on dirait. Pas touche, hein ? Ça fait des années que je la convoite, celle-là. » Tandis qu'elle rassemblait ses draps, Ophélie aurait voulu le rassurer. La dernière chose qu'elle avait en tête, c'était de conter Fleurette à une jolie mécanicienne. « Rue des Bains !» annonça enfin Renard, quelques couloirs plus loin. Ils étaient arrivés dans une coursive aux briques pourries d'humidité et à l'atmosphère nauséabonde. Ophélie introduisit sa clé dans la serrure de la porte numéro 6. Renard alluma la lampe à gaz et referma derrière eux. Lorsqu'Ophélie découvrit l'espace d'intimité qui lui serait dévolu pour les mois à venir, sa bouche se dessécha. Des murs sales, un lit bancal, une vieille bassine en cuivre, une odeur épouvantable, c'était sordide. « Laissez la chambre en l'état, » avait dit le régisseur. Il s'était bien moqué de Mime. « Ça, mon garçon, » dit Renard en pointant un tableau au-dessus du lit, « c'est ton nouveau cauchemar. » Sur le tableau, un jeu de clochettes était relié à de multiples étiquettes. Salle de bal, billard, salon de thé, fumoir, bibliothèque. Renard montra le carillon « chambre ». Tu es maintenant raccordé à l'horloge personnelle de ta maîtresse. Tu dormiras et te réveilleras au même rythme qu'elle. Et au clair de lune, fiston, ça peut tomber n'importe quand. Monsieur n'a jamais l'inspiration en berne quand il s'agit d'amuser la galerie. Ça lui prend à toute heure de la nuit. Renard s'empara d'un tabouret, cala dessus son grand corps taillé comme un buffet et fit signe à Ophélie de s'asseoir en face de lui. Maintenant, on cause. Ophélie et sa pile de draps prirent place sur le lit. Les pieds arrière cédèrent aussitôt sous le poids. « Mon vénard, tu vas tomber sur la perle rare. Ça fait 23 ans que je trime au clair de lune, autant te dire que de l'expérience, j'en manque guère. Et puis, je suis un gentil bonhomme, moi. Pas un de ces innombrables vicieux qui pullulent dans le coin. Quand je t'ai vu venir avec tes yeux en soucoupe, je me suis dit de suite, « Mon Reynold, ce petit-là va se faire croquer par le premier venu, faut que tu lui donnes un coup de pouce. » Ophélie cligna des yeux pour lui faire signe de poursuivre. Dans un grincement de tabouret, Renard se pencha vers elle si près qu'elle redouta un moment qu'il choquât ses lunettes. Et Mime ne portait pas de lunettes. « Voilà ce que je te propose. Je t'apprends tout ce que tu as besoin de savoir ici, en échange de quoi je ne te demande qu'une insignifiante contrepartie. » Il déboutonna sa livrée et extirpa d'une pochette intérieure un petit sablier rouge. « Est-ce que tu sais ce que c'est ? » Ophélie fit non de la tête. « Je m'en doutais. Ces choses-là ne se concoctent que dans le coin. Pour faire bref, les nobliaux d'ici nous remercient avec ses pourboires. Des sabliers comme ça, t'en verras jamais que de 4 couleurs. Des verts, des rouges, des bleus et des jaunes. Ah, les jaunes !» Renard riboula des yeux avec extase, puis il lui enfonça son sablier dans la main. « Reluque-le bien !» Ophélie soupesa l'objet. Ce n'était pas plus grand que le pouce, mais ça pesait lourd, comme si on avait remplacé le sable par des billes de plomb. il était frappé d'une petite plaque de cuivre, station balnéaire. Il y a tout un tas de destinations, crut bon de préciser Renard comme elle sourcillait. Rue marchande, quartier des femmes, salle de jeu, et j'en passe. Le truc, c'est d'avoir la main heureuse, car tu sais jamais vraiment où tu vas tomber. Une fois, j'en ai dégoupillé un qui s'appelait pompeusement Bouffer d'air pur. Et je me suis retrouvé dans un chalet paumé en pleine montagne. Ophélie se frotta le nez, elle n'était pas sûre de bien comprendre. Elle renversa le sablier sur lui-même, mais, à sa grande surprise, les grains ne s'écoulèrent pas. Renard s'esclaffa devant son air stupéfait et lui signala un petit anneau de métal qu'elle n'avait pas remarqué. « Tu auras beau tourner ce sablier dans tous les sens, il ne marchera pas tant que la goupille est intacte. N'y touche pas, hein ?»« Je ne veux pas te voir disparaître avec mon congé. Regarde juste ça. » Et lui montra du doigt un sceau doré incrusté dans le bois. « Manufacture familiale, HDE et compagnie. »« C'est la Merrill de Garde qui les fabrique, » précisa Renard. Un bibelot sans cette estampille ne vaut pas plus que les ongles de mes orteils. Te laisse porfiler de la camelote, fieux. La contrefaçon sévit ici, plus que partout ailleurs. D'un geste rapide, il lui confisqua le sablier et le rangea dans sa poche. Conseil d'ami, si tu ne veux pas te faire plumer, utilise la salle des coffres, où dégoupille tes sabliers rapidement. Une fois, un vieux camarade avait entassé un salaire de 12 années dans ce qu'il croyait être la cachette idéale. Le jour où on lui a tout volé, il s'est pendu. Renard se leva, poussa la bassine sous un robinet et la remplit d'eau. « Je reprends bientôt mon office. Tu permets que je fasse un brin de toilette ici ?» Ophélie essaya d'adopter un air réprobateur pour l'en décourager, mais il se déshabilla devant elle sans la moindre pudeur. Il ne garda bientôt sur lui qu'une chaîne au cou avec sa clé personnelle. Ce n'était vraiment pas commode de porter sur le corps le visage d'un autre. Ophélie devait apprendre à travailler ses expressions. « C'est sablier ?» reprit Renard dans la bassine. « Ce sont nos congés. Je ne sais pas depuis combien de temps tu sers la Bérénilde, mais je suppose que c'est pas repos tous les jours. Eh bien ici, avec le train de vie de ces messieurs-dames, ce sera pire encore. C'est devenu tellement fou pour la Valtaille que certains ont commencé à gronder ferme dans le dos des maîtres. La Merrill de Garde a alors eu l'idée des sabliers. Prête-moi un linge, veux-tu ?» Ophélie lui tendit un drap de bain en évitant de le regarder. Elle se sentait extrêmement gênée. Cet homme faisait sa toilette juste sous son nez et ne semblait guère pressé de se rhabiller. « Comme je suis un brave gars, je me contenterai de tes 10 premiers sabliers, toutes couleurs confondues, » déclara alors Renard. « Ce que tu toucheras par la suite ne regardera que toi. » Il sortit de la bassine, s'enveloppa dans le drap et se frictionna. Ses favoris roux étaient hirsutes lorsqu'il se courba vers Ophélie, main tendue pour conclure. Elle secoua farouchement la tête. Elle n'avait rien compris à cette histoire de sablier. Elle refusait de sceller un accord sans en connaître chaque clause. « Quoi ? Monsieur fait la fine bouche ? T'es conscient, petit père, que d'autres te siffleraient ton salaire sans te demander ton avis ? Renard, lui, s'engage à te renseigner sans malice et à te protéger de ses poings s'il le faut. Ça vaudrait bien le triple de ce que je te demande. » Offensé, il lui tourna le dos, enfila sa chemise propre, boutonna par-dessus sa livrée de valet. Quand il fit de nouveau face à Ophélie, la colère avait cédé la place à un large sourire. « T'es bien, fiston, faut pas te laisser marcher sur les pieds. Mettons alors que tu me refiles uniquement tes sabliers verts. Ça te va ?» Ophélie resta les bras ballants devant la main que lui tendait à nouveau Renard. Le sourire de celui-ci s'élargit plus encore. « T'es pas aussi naïf que t'en as l'air, gamin. Je te jure que j'essaie pas de t'emberlificoter. Les verres, ce sont les sabliers qui ont le moins de valeur. Tu veux que je t'explique la chose en deux mots ?» Ophélie acquiesça. Elle aurait quand même été plus à l'aise s'il avait enfilé un pantalon. Renard mit ses boutons de manchette d'un air professoral. « 4 couleurs. » 4 valeurs, donc. Les verts, les plus répandus, te donnent droit à un jour de congé dans la cité ciel. Grande halle, fumoir d'opium, baraque de forain, sauna. Une fois encore, je te souhaite de tirer le bon numéro. Au grand soulagement d'Ophélie, il boutonna enfin son pantalon et lassa ses bas de chausses. Les rouges, eux, poussent plus loin la jubilation. Jour de permission. À ne pas confondre avec les verts, hein. Là, t'as l'autorisation officielle de sortir dans le monde du vrai dehors. tu choisis ta destination, tu dégoupilles, et tu peux en profiter jusqu'à l'écoulement complet du sablier. Cela, je les garde pour les beaux jours. » Renard se pencha vers un éclat de miroir cloué au mur. Il plaqua en arrière sa crinière rouge et passa une main satisfaite sur sa mâchoire puissante, parfaitement imberbe. « Avec les bleus, on tape dans le haut du panier, » enchaîna-t-il avec un soupir amoureux. « Tu as intérêt à avoir de l'ambition pour les récolter, mais le jeu en vaut la chandelle. Ces sabliers-là te plongent dans un vrai rêve éveillé. Deux fois dans ma vie j'y ai goûté, j'en ai la chair de poule, rien que d'en parler. » Il passa son bras autour des épaules d'Ophélie. Elle se félicita d'avoir enroulé sa tresse au-dessus de sa nuque. Si Renard avait senti des cheveux là où Mime n'en portait pas, il y aurait eu un malaise. « Essaie de te représenter les couleurs les plus vives, les parfums les plus enivrants, les caresses les plus affolantes. » lui murmura-t-il. « Tu seras de toute façon en deçà de ce que peut te procurer cette île. Un plaisir souverain, si intense, qu'il est à peine supportable, et qui, une fois dissipé, te laisse endeuillé. » Les 12 coups de minuit sonnèrent dans le lointain. Renard libéra Ophélie et vérifia rapidement sa mise. « Bref, une belle cochonnerie. Il s'arrange toujours pour t'y faire goûter une fois. Après, tu es à leur botte, et t'en redemande dans l'espoir complètement fou de décrocher un jour la récompense suprême. » Un aller sans retour au paradis, le sablier jaune. Tu comprends mieux, fiston ? Ce qu'Ophélie comprenait surtout, c'est que ces sabliers étaient un vrai piège à mouches. Bon alors, qu'est-ce que tu décides ? La pressa Renard en agitant sa montre. 10 sabliers verts et je t'apprends tout ce que tu dois savoir pour faire ton trou au clair de lune. Marché conclu ? Ophélie leva haut le menton et le regarda droit dans les yeux. Elle ignorait encore tout de ce monde. Elle avait besoin d'un guide. Peut-être cet homme trahirait-il sa confiance, peut-être la conseillerait-il mal, mais comment le saurait-elle si elle ne lui donnait pas sa chance? Elle ne pouvait aller de l'avant sans jamais prendre le moindre risque. Cette fois, elle accepta de bon cœur la poignée de main de Renard. Il lui concassa les doigts avec un rire cordial. « À la bonne heure, je vais te déniaiser en bonne et due forme. Tu ne le regretteras pas. Sur ce, je te laisse. Minuit a sonné. Madame Clotilde réclame mes services. »